Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 45. De l'audace. Que l'audace est contraire à la crainte. Rapport entre l'audace et l'espérance. De sa cause, de son effet. 1. L'audace est-elle contraire à la crainte? La crainte et l'audace sont évidemment contraires l'une à l'autre, car la crainte fuit un mal qu'elle croit supérieur à ses forces, et l'audace l'affronte, dans l'espoir de le vaincre. Cette contrariété provient, comme on le voit, d'une opposition de mouvement, par l'audace on s'approche, par la crainte on s'éloigne. Note. L'audace, ou la hardiesse, ou le courage, est une passion par laquelle l'âme s'efforce de s'unir à l'objet aimé dont l'acquisition est difficile. Confère Bossuet. 2. L'audace suit-elle l'espérance? Ceux qui sont remplis d'espoir, a dit le philosophe, sont audacieux. L'audace est, effectivement, une suite de l'espérance. On ne braverait pas le danger si l'on n'avait pas la vive espérance d'en sortir avec avantage. 3. L'audace provient-elle de quelque défaut? Si ce que nous avons dit est vrai, l'audace résulte de l'espérance, et elle est contraire à la crainte. Par conséquent, tout ce qui est propre à produire l'espérance et à bannir la crainte conduit à l'audace. Or, si vous remontez aux causes de l'espérance, vous trouverez que ce sont la puissance, la force, l'expérience, les richesses, les amis, les auxiliaires de toute nature, et par-dessus tout la confiance en Dieu. Il n'y a rien dans toutes ces choses qui implique nécessairement des défauts. L'absence de la crainte n'en suppose pas davantage. La sécurité peut provenir, soit de l'idée que l'on n'a pas d'ennemis, parce que l'on n'a nui à personne, soit de la persuasion où l'on n'est que, dans telles circonstances, aucun péril n'est à craindre. Les défauts, ne pouvant ni provoquer l'espérance ni bannir directement la crainte, ne produisent pas l'audace par eux-mêmes, s'ils la produisent quelquefois, ce n'est qu'indirectement. 4. Les audacieux sont-ils plus ardents dans l'attaque que dans le combat? Les audacieux, a dit le philosophe, volent au-devant du danger, mais, dans le péril même, ils reculent. Comme passion de l'appétit sensitif, l'audace suit la perception des sens, qui portent subitement leur jugement sans avoir ni examiné ni pesé les difficultés. Les audacieux, rencontrant plus d'obstacles qu'ils n'en ont pressenti, commencent bientôt à défaillir quand ils sont engagés dans la lutte. L'homme fort qui s'avance de sang-froid et d'une manière raisonnée est infiniment plus persévérant, au cœur du danger, rien n'est imprévu pour lui. Souvent même il rencontre moins de difficultés qu'il n'en attendait. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.